Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Mathilde, résistante et traître au parti. Ce crime, comme c'est encore hélas souvent le cas, aurait pu rester toujours inexpliqué. Un corps de femme abattu d'une balle, retrouvé en pleine forêt de Verrières, sans aucun signe permettant de l'identifier. C'était en octobre 1942. Il faudra attendre plus de 60 ans pour que deux historiens obstinés redonnent à cette femme son nom et fassent le lien avec une autre énigme, celle de la disparition en 1942 d'une jeune résistante communiste, Mathilde Dardan, fidèle agent de liaison de Jacques Duclos et Benoît Frachon, deux figures du parti communiste clandestin sous l'occupation. Pour sa famille, Mathilde ne pouvait être tombée que sous les balles des nazis. Avec cette histoire singulière, loin de la légende dorée du parti des 75 000 fusillés, nous allons ce soir plonger dans un monde resté longtemps méconnu, celui du détachement Valmy, ce bras armé du parti communiste qui, de 1941 à 1943, avait pour mission d'abattre les traîtres au parti, dans le plus grand secret. Un secret si bien gardé qu'il faudra attendre 2007 pour que la vérité éclate dans toute sa cruauté. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Franck Liègre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien. C'est vous qui, avec Jean-Marc Berlière, avez publié en 2007 ce livre « Liquider les traîtres, la face cachée du PCF 1941-1943 », un livre d'histoire qui se lit comme un polar, fruit d'une longue et difficile enquête. Et c'est vous qui, avec Jean-Marc Berlière, encore une fois, avez écrit le scénario de l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes. C'est avec lui, en vous plongeant dans les archives de la police et des renseignements généraux sous l'occupation, que vous avez pu mettre au jour l'histoire du détachement Valmy et celle aussi singulière de Mathilde Dardan. Oui, tout à fait. Notre technique est classique. L'archive, rien que l'archive, toujours l'archive. Une archive que l'on étudie, que l'on vérifie. On mène aussi des contre-enquêtes, c'est-à-dire qu'on essaye de critiquer nos archives en connaissant, par exemple, puisque vous l'avez bien dit, les services de police pour comprendre comment la police a pu mettre au jour cette affaire. Et nous nous intéressons aussi, bien sûr, aux archives du Parti communiste, que l'on retrouve pour partie dans les archives de police, puisque les policiers de l'époque saisissent des documents sur les militants ou lors de perquisitions, mais également auprès de fonds militants. Il y en a beaucoup en France et nous avons fait une enquête exhaustive sur le sujet. Alors l'histoire que vous avez écrite et racontée du point de vue de Georges Urbini, on va l'entendre, un militant communiste, membre du détachement Valmy. Alors l'histoire se déroule à deux époques, hein, d'abord en 1949, puis après il y a des flashbacks en 1942 sous l'occupation. Pourriez-vous nous rappeler, Franck Liègre, le contexte historique? Bon, c'est un peu complexe en quelques minutes, mais les grandes dates du Parti communiste pendant la Seconde Guerre mondiale, pour bien comprendre. L'URSS de Staline signe un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie en août 1939. Les Français ont bien compris cette histoire et les autorités, mais aussi la population, prend très mal, bien évidemment, le fait que le Parti communiste français approuve le pacte de non-agression. Et à partir de ce moment-là, à partir d'octobre 1939, le Parti communiste français est interdit, dissous et devient donc clandestin. Son secrétaire général, Maurice Thorez, est aux armées. Il déserte, gagne la Belgique, puis l'URSS, où il va passer toute l'occupation. Le parti clandestin milite donc dans l'ombre pour soutenir ce pacte, en expliquant que la guerre, la drôle de guerre qui se déroule, puis la guerre qui devient effective en mai-juin 40 et enfin l'occupation, ne concerne pas en réalité la classe ouvrière, puisqu'il s'agit d'une guerre impérialiste, c'est-à-dire, en gros, une guerre de bourgeois. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement, en juin 1940, quand la France est envahie? Que fait la direction du Parti communiste français? Eh bien, c'est clairement la panique. Et en l'occurrence, des dirigeants partent dans l'exode, notamment Benoît Frachon, qui est un membre important du Parti communiste français, et le leader de la CGT, qui est accueilli justement à Fursane, dans le Limousin, dans la ferme parentale de la famille Dardan. C'est là d'ailleurs qu'il va plus spécifiquement rencontrer Mathilde. Et le parti essaye de survivre, puisqu'il est dans une situation extrêmement périlleuse. Et Jacques Duclos, autre personnalité du Parti communiste pendant la guerre. Jacques Duclos devient le numéro un en l'absence de Maurice Thorez et essaye de faire paraître l'Humanité, le journal du Parti communiste, d'une manière légale. Et donc, des tractations sont mises en place avec les Allemands en juin 1940. Donc il y a une période un peu de trouble, mais à l'été 1941, les choses se clarifient puisqu'il y a l'invasion de l'URSS par les troupes d'Hitler. Et donc à ce moment-là, le Parti communiste entre dans la résistance, réellement la résistance armée, contre l'occupant. Tout à fait. Et Moscou invite les partis communistes de l'Ouest, tous les partis communistes d'ailleurs, d'entrer dans la lutte armée. C'est ce qui va se passer sur ordre de Duclos à partir de l'été 1941. Et à la libération, le Parti communiste va devenir le grand parti politique de la libération. Et à partir de cette époque, interdiction est faite de parler du pacte germano-soviétique, de toute cette période un peu d'incertitude. Et on va le voir dans la fiction, quelques années après la libération, de nouveaux interdits, de nouveaux tabous vont apparaître. En 1949, c'est le début de la guerre froide, puis question de parler de la résistance. On ne parle plus de Duclos et de Frachon, il va falloir valoriser le chef Maurice Thorez. Mais nous y reviendrons tout à l'heure avec vous, si vous le voulez bien, Franck Liègre. Tout de suite, Mathilde, résistante et traître au parti, un texte de Franck Liègre et Jean-Marc Berlière, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. La réalisation est signée Baptiste Guiton. Servin a précisé que c'était important. Que je devais me rendre au 44. Cinquième étage. Impressionnant, ce bâtiment. Allez, plus qu'un étage. Je me demande bien ce qu'il me veut. Le camarade Servin, un dirigeant intransigeant. Quel dédale. Mais pourquoi je m'inquiéterais? Troisième porte. Ma conscience de communiste est pure. Je n'ai aucune tache dans ma biographie, moi. J'ai été résistant, j'ai été déporté. J'ai souffert comme un chien, mais je suis toujours resté droit. J'y suis. 20 juin 1949, à Paris. C'est le temps de la guerre froide. L'Est contre l'Ouest, les communistes contre le reste du monde. Pour Georges Urbini, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. C'est la première fois que cet ouvrier italien, militant depuis les années 30, est convoqué par un dirigeant aussi haut placé au 44 rue Lepelletier, siège du Parti communiste français. Une véritable forteresse aux consignes de sécurité quasi militaire. D'une foi inébranlable, Georges Urbini a risqué sa vie sous l'occupation au sein du détachement Valmy, un groupe armé chargé de liquider les traîtres désignés par la direction du parti. Tu la reconnais? C'est un visage que je ne pourrai jamais oublier. Mathilde Dardan. Cette camarade s'appelait Mathilde Dardan. Elle n'a pas été arrêtée et tuée par la Gestapo comme Jacques Duclos et Benoît Frachon le soutiennent. Mais par vous, les hommes du détachement Valmy. Et sur ordre de qui? Duclos et Frachon. C'était sur ordre, c'est vrai. Mais je ne l'ai pas tué. Je le sais, mais tes copains s'en sont chargés quelques jours plus tard. J'ai pu récupérer à la Libération le dossier de l'affaire dans les archives de la police et c'est pas joli. Alors, pourquoi assassiner une camarade communiste et résistante qui n'a pas de fil à la patte avec les flics? Ben, si elle n'a rien donné, alors j'en sais rien. Eh ben moi, j'ai ma petite idée. Servin vient d'incriminer Jacques Duclos et Benoît Frachon, les deux plus hauts responsables du PC sous l'occupation. Deux héros pour Urbini. Servin n'oserait pas les attaquer s'il n'avait l'aval de Maurice Thorez, l'actuel leader du parti. Ce dernier, réfugié en URSS durant l'occupation, n'a pas risqué sa vie pour servir la résistance. Il jalouse donc le prestige dont jouissent Duclos et Frachon. Désormais, en les menaçant de dévoiler publiquement l'assassinat de Mathilde, dont ils sont d'une façon ou d'une autre responsables, Thorez a un moyen de faire pression sur eux. Sonné par ces révélations, Georges Urbini rentre chez lui, au 6 rue de la Folie-Méricourt, une rue animée du Paris ouvrier. Il loue à cette adresse un deux-pièces cuisine miné par l'humidité. Le papier peint moisi et se décolle par endroits. La porte à peine refermée, il sort une Celtique, l'allume, fume nerveusement. Il faut quand même un sacré culot pour chercher des poux à Duclos et Frachon. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans eux face aux Boches? Quoi, face aux traîtres? Avec Jacques et Benoît, le coup près tombait net sur la tête des salauds. Une balle, c'est tout. Et la balle, c'était parfois à moi de la loger. Franchement, je n'ai aucun regret d'avoir liquidé des traîtres. Mais si Servin dit vrai, on aurait effacé une camarade pour rien. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tours m'a prévenu le 1er octobre 1942. Oui, c'est ça. Urgence absolue, il a dit. Une mission pour tous les deux. Tours, c'était son nom de code. Moi, c'était Nice. Installe-toi. Bon, je t'ai fait venir parce que la maison nous ordonne de liquider une femme. Nous devons passer à l'action demain, dans les bois de Verrières-le-Buisson. Rendez-vous à 15h au lieu dit La Butte Rouge. La camarade Toulouse nous y rejoindra. Pourquoi moi? Parce que t'as les nerfs. Puis t'en as déjà buté une. C'est pas moi qui ai tué la concierge de la rue de Chabrol. Mais bon, homme ou femme, faut bien leur fermer le clapet à ces vendus. Et à celle-là, qu'est-ce qu'on lui reproche? Ah, c'est une affaire sensible, une mission de confiance. C'est une agente de liaison de la haute direction qui a dénoncé notre camarade. Jalousie, aigreur, enfin bon, tu sais comment sont les femmes. Ouais. Comment fait-on pour la reconnaître? Ah, je peux juste te dire qu'il y a des grandes roulées lancées du genre classe et émancipée. T'inquiète, tout est prévu. Elle viendra à nous. La direction lui a demandé de se rendre à l'endroit indiqué pour nous aider à retrouver une grosse somme d'argent enterrée au pied d'un arbre. C'est un peu gros, vraiment, c'est les ordres. Concrètement, comment on opère? Toulouse, une copine du détachement, nous livrera les armes. Tu la connais pas encore, mais enfin, je peux t'assurer qu'elle a pas froid aux yeux. En gros, elle donne les flingues et part se planquer. Nous, on réceptionne la femme, on s'enfonce dans les bois. Je passe devant, tu fermes la marche. À un moment, j'indique où est le pognon, et se penche, tu la barres. T'as intérêt à être à l'heure, et à pas te tromper d'endroit. Hé, hey, souviens-toi, demain, 15h à la Butte Rouge, dans les bois de Verrières. Elle arrivera à 17h, on s'est laissé une marche. J'irai la chercher au carrefour et nous remonterons jusqu'à toi. Et après, tu connais la musique. Vas-y. Créé à l'été 1941, le détachement Valmy compte une trentaine de membres à l'automne 1942. Tous portent un surnom de ville et agissent sur ordre de la direction nationale du parti. Tours, Nice, Toulouse et les autres ont déjà tué 8 Français entre le 1er juillet 1941 et le 1er octobre 1942. Mathilde doit être leur 9e victime. Le Parti communiste lui a fixé un rendez-vous avec la mort le 2 octobre 1942 dans les bois de Verrières-le-Buisson, au sud de la région parisienne. Mathilde m'obsède. Merci, Servin. Je n'ai pas revu Tours depuis notre retour de déportation. 4 ans déjà. Que devient-il? Avec lui, ça ne rigolait pas sous l'occupation. Quand il donnait un ordre, tu avais intérêt à obéir et à être à l'heure. Pas grand par la taille, mais vif, nerveux, dangereux. Le 2 octobre 42, j'ai pris la ligne de Sceaux jusqu'à Antony, le bus jusqu'à Verrières-le-Buisson, puis j'ai marché jusqu'au lieu de rendez-vous. J'ai les outils. Nice, tu auras le 635. Bon, Toulouse, cache-toi dans ce fourré et attends les ordres. À 17h, j'irai chercher la fille. Nice, rappelle-toi, on est censé chercher du fric enterré au fond du bois, t'attends qu'elle se penche et tu lui caresses la nuque. T'inquiète pas, c'est une caresse dont elle ne se souviendra pas longtemps. Mathilde Dardan arrive sur les lieux. Servie par sa taille, cette femme de 35 ans porte élégamment gilet et jupe marron. Coiffée à la garçonne et légèrement fardée, Mathilde a des traits avenants, bien que légèrement masquée par des lunettes corrigeant sa myopie. Bonjour, je viens pour l'argent. Le parti a dû vous mettre au courant. Bien sûr, camarade. Curieux comme endroit, vous ne trouvez pas? Allons-y, le magot est planqué par là-bas. Vous êtes sûr que c'est par là? T'inquiète pas, le patron est formel, c'est bien là. Tiens, regarde par terre. J'ai l'impression qu'il y a une trace. Je vais me pencher, je ne vois rien. Ben, faudrait changer tes lunettes, ma belle. Regarde un peu mieux. Ouais, penche-toi davantage. Mais il n'y a rien, ils se sont trompés. On perd notre temps ici. Bon, c'est pas possible, t'as raison. On n'a plus qu'à plier les gaules. Prochaine fois, on demandera au patron de venir lui-même. Mathilde Dardan est déjà loin quand Tours appelle Toulouse. Alors ? Ça n'a pas marché. Heureusement que ça n'a pas marché. J'ai failli tuer une innocente. J'ai vraiment voulu la tuer, mais mon arme s'est enrayée. C'est fou. Aujourd'hui, la maison me dit que cette femme n'a rien donné, alors qu'en 42, on m'a reproché de l'avoir ratée. Mais pour quelle raison, alors, devait-elle être éliminée? Et dire que je m'en voulais? Dans quel état j'étais? Bordeaux, le patron du détachement Valmy, m'a mis plus bas que terre. Bordeaux a convoqué Nice dans une rue de banlieue. Qu'est-ce qui s'est Il passé le rejoint à grands pas, les mains enfouies dans les poches de sa veste. Pas de ça, Lamalek. Deux hommes armés incapables de buter une femme désarmée. T'y crois, toi? On n'y peut rien. Nos armes se sont enrayées. Cet homme de 27 ans en impose. Brun au teint mat, musclé et large d'épaule, il sait motiver ses troupes. C'est lui qui dirige le détachement Valmy. La direction nationale du PC l'a choisi en toute connaissance de cause. Il est loyal et discipliné. Garde ton baratin, mon gars. La maison va s'atteler à ton cuir, crois-moi. T'es bien placé pour savoir le sort que le parti réserve aux provocateurs. Laisse-moi m'expliquer. Tours a attiré son attention, de façon à ce qu'elle courbe la tête. J'ai placé l'outil derrière la tête et j'ai appuyé sur la gâchette. Et ? Rien. J'ai réessayé, bien sûr. Je me suis assuré que le cran d'arrêt était retiré. J'ai placé l'engin derrière sa tête et rien. Rien de rien. Tours a bien tenté, lui aussi, mais pour le même résultat. Arrête de te plaindre et fais ton autocritique. La grosse erreur que j'ai commise, c'est de ne pas prendre d'arme blanche. Mais c'est la seule erreur. Tu sais, nos flingues s'enrayent trop souvent. Il faudra y veiller à l'avenir. Je suis pas convaincu. Vous n'êtes que des provocateurs. Quoi ? Ne salis pas mon honneur de communiste. Je tiens plus au parti qu'à ma vie. Je veux que cet affront soit lavé. Que la maison me dise si elle a toujours confiance en moi. Dis-leur là-haut. L'accusation est grave. Un provocateur mérite l'exclusion et même la mort lorsque la situation l'exige. 7 ans sont passés et je sens encore le sol se dérober sous mes pieds lorsque je repense à cette accusation. J'ai pas l'épiderme sensible, mais là, je me suis écroulé. Le parti doutait de mon honnêteté. Je ne peux pas vivre en dehors de lui. Le parti, c'est ma famille. Mon honneur. Ma vie. Jamais je n'affaiblirai le parti pour raison personnelle. En 1942, je me suis dit, tu es qui, toi, hein, pour contredire le parti de la Révolution? Et si le parti te condamne, eh bien, tu t'en loges une dans la tête et basta. J'ai encore la lettre que j'avais préparée pour assurer ma défense. Ayant jusqu'à présent un casier judiciaire blanc dans notre parti, d'expression, c'était exactement ça. J'étais blanc comme neige. J'ai à cœur de laver l'accusation. Inculpé comme provocateur, je me refuse de prendre part à toute opération jusqu'à éclaircissement complet de cette affaire. Car il ne faut pas oublier qu'un accident semblable à celui-là peut se reproduire. Ça arrivait souvent qu'on nous refourgue des armes de mauvaise qualité. Et encore, on n'avait pas trop à se plaindre au Valmy par rapport aux autres groupes armés du parti. On était l'élite. Putain, ça on était fiers. La crème de la crème qu'on était. Tours le disait souvent. Faut que ça crache du feu, les mecs comme nous. La maison attend beaucoup de Valmy. Vu que je refusais de participer à des actions, Bordeaux m'a convoqué pour me passer un savon. Dans mon souvenir, le rendez-vous a eu lieu en forêt. J'ai lu ta lettre. Monsieur refuse de travailler, monsieur se plaint du matériel, monsieur boude et c'est moi qui trinque. Là-haut, ça jase. Et la maison m'appelle Léon. J'attends le verdict du parti. Oh, mais le parti t'attend pas pour passer à l'action. Je vais devoir finir le travail à votre place. Ordre m'est donné de buter la délatrice mardi prochain, en forêt de Rambouillet. Ce mardi 6 octobre, Bordeaux rencontre Mathilde entre Saint-Léger et Montfort-la-Maurie, dans l'actuel département des Yvelines. Mathilde est accompagnée par Raph, un homme proche de la haute direction, entièrement dévoué à Jacques Duclos. Le bonjour à Roger. Et à Marie-Bernadette. C'est bon, camarade, tu connais le mot de passe. Tu sais qu'on doit aller chercher du pognon au fond du bois? La semaine dernière, il y a eu erreur. On vérifie en ce moment même si le camarade qui s'est trompé est un provocateur ou non. En tout cas, je préfère avoir affaire à toi. Les deux gars de la semaine dernière ont paru bizarres. C'est par là, je connais le chemin. Faudra juste passer la barrière et s'enfoncer sur 300 ou 400 mètres. Et si on croise des promeneurs, on cherche des champignons. Hein. C'est la saison après tout. Hein. Suivez-moi. Tous trois s'enfoncent dans le bois. Bordeaux ferme la marche. Après 5 minutes, Raph se retourne et d'un hochement de tête fait signe à Bordeaux de tirer. Déshabillons-la, elle ne doit pas être identifiée. Je prends les chaussures et le sac à main, c'est du cuir. Tu peux garder le reste. Je donnerai ses fringues à Toulouse, elle me les a demandées. Putain, elle est pas morte, elle bouge encore. Achève-la. Tu crois que c'est facile de tirer une balle à bout portant ? Ferme ta gueule, tire où tu le regretteras. Tire dans la tempe, là. Elle a son compte. Retire-lui son alliance. Tu peux la garder. Sortie du bois, on se sépare. C'était la première fois que Bordeaux tuait lui-même pour le parti. Une femme en plus. C'est pour ça qu'il a tout raconté. L'affaire lui restait dans le baba. Avec Tours, on n'est pas mécontent finalement qu'il l'ait bien profond. Ça lui apprendra à nous piquer notre boulot. La dépouille de Mathilde est laissée nue en forêt de Rambouillet. Mission accomplie. Bordeaux a d'autres actions à superviser. Depuis l'été 1942, lui et ses hommes commettent des attentats contre les Allemands, tout en poursuivant le châtiment des traîtres. Il tue 8 Allemands et en blesse 47 autres entre le 1er août et le 15 octobre 1942, date à laquelle le détachement Valmy est démantelé. J'étais prévenu. Pour le parti, tout rentrerait dans l'ordre le jour où je commettrais un attentat contre les Boches. Pour être réhabilité, je devais déposer une valise bourrée d'explosifs au pied du Bahnhofitzer de la gare Montparnasse, afin de tuer le plus d'Allemands possible. J'ai toujours été calme jusque dans l'action. Mais ce matin du 13 octobre, j'avais les mains moites. Je jouais gros avec le parti. Tour m'avait fixé rendez-vous devant la gare pour me donner la valise. Fais gaffe, tiens-la bien. C'est de l'exploding, je sais plus trop quoi, ça crache des flammes. J'ai combien de temps pour me carapater, une fois l'engin déposé? T'as 5 minutes. T'as pensé aux civils? Il y en a plein à la gare. Au Bahnhofizer, il n'y a que des Allemands. Et puis s'il y a des civils, tu dois poursuivre l'action. Ordre de la maison. Ce sont probablement des planqués qui attendent bien pépère que ça se passe, pendant que nous, on risque notre peau dans la résistance pour 2 francs 6 sous. Allez. Tout s'est déroulé comme prévu. Le dépôt comme le repli. À 7h47, l'explosion. J'ai appris plus tard que 2 Allemands avaient été tués. Quand les flics m'ont dit qu'avec ma bombe, j'avais aussi tué 2 Parisiens et blessé 20 d'autres passants, ça m'a un peu troué. Mais franchement, j'avais d'autres chats à fouetter. Les mains menottées, j'attendais que ces messieurs terminent de retourner mon appartement. Suite à des aveux extorqués à un résistant arrêté, la police parisienne investit l'appartement d'Urbigny ce 13 octobre 1942, quelques heures seulement après l'attentat commis à la gare Montparnasse. Les inspecteurs, membres d'une brigade spécialisée dans la lutte anticommuniste, y trouvent des documents compromettants attestant qu'Urbigny appartient à une organisation communiste armée. Alors mon con, on veut toujours faire croire que le communisme et toi ça fait 2? J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Allez, prends ça dans ta gueule. Si tu parles pas, tu crèveras sous les coups, mais ce serait pas bien malin puisqu'on sait déjà tout, dans les moindres détails. Tes chers copains se sont déjà mis à table? Je ne vous crois pas. Tu veux que je te raconte ton après-midi du 2 octobre dernier? Ta petite balade romantique dans les bois de Verrières et comment ton flingue s'est enrayé? Comme l'immense majorité des combattants appréhendés, Georges Urbigny a fini par avouer. Confié à la police allemande, il est transféré au fort de Romainville où il retrouve Bordeaux et les autres membres du détachement. Seront-ils fusillés ou bien déportés? En mars 1943, finalement, menottés 2 par 2, escortés par des soldats en armes, ils sont conduits jusqu'à la gare de l'Est et poussés dans des wagons. Le train s'ébranle et quitte Paris. 2 jours plus tard, les portes s'ouvrent en gare de Mauthausen en Autriche. Pour Georges Urbigny, comme pour ses compagnons d'infortune, commence un long calvaire dans l'enfer concentrationnaire. Viens, on rentre. T'es tout essoufflé, donne-moi le seau. Mais 7 ans sans sommeil, 7 ans sans nouvelles de Mathilde, c'est comme si c'était hier. Assieds-toi un moment, tu travailles trop. Oh, c'est pas le travail, j'arrive pas à faire mon deuil. Je sais, maman. Est-ce qu'elle a été déportée? Si au moins on savait ce qui lui est arrivé. ...1949, à Fursane, dans le Limousin. Les parents de Mathilde Dardan et sa sœur Marguerite supposent que Mathilde est décédée, mais ils ignorent les circonstances de sa disparition et le lieu où elle est inhumée. Marguerite a eu une vie haute en couleurs. Partie de la ferme familiale pour la région parisienne, la jeune femme a milité activement au PCF à partir de 1936. Vive, engagée, disciplinée et de confiance, elle est sélectionnée pour être formée à Moscou à la conspiration, avant de servir dès 1938 l'internationale communiste. En 1940, lors de la débâcle, Duclos et Frachon, recherchés par toutes les polices, s'en remettent à Marguerite et à sa sœur Mathilde, lesquelles les cachent un mois dans la ferme familiale. C'est dire la confiance qu'il leur est accordée. Comme Mathilde, Marguerite sert alors d'agent de liaison à la haute direction. Spécialiste du chiffrage depuis son retour du RSS, Marguerite pianote clandestinement dans la France occupée, jusqu'à son arrestation par les Allemands en novembre 1941. À la fin de la guerre, elle est revenue de déportation. On ne disparaît pas sans trace. Mais il faut faire quelque chose, il faut la retrouver. Mais la police ne sait rien. C'est pas faute pourtant de l'avoir sollicité. En octobre 1942, 3 semaines après le meurtre, un corps féminin nu avait bien été découvert dans la forêt de Verrières. Mais la police, alors, n'avait pas réussi à l'identifier. Alors, il faut relancer le parti. Il nous doit bien ça, après tout. On pourrait écrire à Benoît et Jacques. Je les ai déjà vus. Ils savent pas grand-chose. Mais d'accord, je vais leur écrire à nouveau. On a partagé tellement d'épreuves ensemble. On devrait aussi contacter Servin. C'est son boulot de savoir, après tout. Il pourrait peut-être nous indiquer des noms de camarades qui auraient côtoyé Mathilde, juste avant qu'elle ne tombe entre les mains des Boches. Allez, rentrons à la maison, je vais préparer la soupe. Je n'ai plus grand espoir. Qu'est-ce que Benoît Frachon et Servin pourront me dire, sinon que Mathilde est tombée en résistante? Je ne ferai rien pour dissuader mes parents. Ces démarches les aident à tenir. Ma sœur, j'aimerais tellement que tu reviennes. Je nous revois le poing levé, fière de braver les bourgeois, de combattre les fascistes espagnols, de lutter contre les Allemands, d'assurer des liaisons de la plus haute importance au nez et à la barbe des polices. Mais elles ont fini par nous avoir. Après ce que j'ai vécu à Ravensbrück, j'ai peur de trop bien connaître ce que tu as dû endurer. Je jetterais volontiers dans la balance le peu de force qui me reste, si j'avais l'assurance de te retrouver. Après 6 semaines d'attente, Marguerite reçoit réponse à ses courriers. Benoît Frachon ne cache pas l'émotion qui l'étreint au souvenir de Mathilde et promet, au nom de l'affection qu'il lui portait, de venir en personne à Fursane évoquer la disparue dès qu'il le pourra. Laconique, Marcel Servin accepte de recevoir Marguerite au siège du parti le 23 septembre 1949, là même où Servin, 3 mois plus tôt, avait reçu Orbini. Peut-être qu'en parlant avec Marguerite, pourra-t-il obtenir des informations compromettantes sur Duclos et Frachon. Servin a été résistant. Il devrait être sensible à ma demande, même si le ton employé dans sa lettre est réfrigérant, je trouve. C'est Servin tout craché à ce qu'on m'a dit. Mais je ne lui demande pas d'être sympathique après tout. Je veux ce qu'il est capable de me donner, des renseignements. Il détient les secrets du parti. Et il paraît qu'il n'a pas son pareil pour cuisiner les copains. Un vrai flic. Bienvenue, camarade. Bonjour. J'ai lu avec attention ta lettre et je voudrais t'apporter un réconfort fraternel. J'ai aussi perdu des proches pendant la guerre et je comprends ta démarche. Tu sais alors quel est notre chagrin. Et quel soulagement ça serait de retrouver le corps de Mathilde. Aurais-tu des informations à me donner ? On m'a dit que Mathilde a été arrêtée en novembre 1942 par les Allemands alors qu'elle remplissait une mission pour le compte des FTP. Une dizaine de combattants auraient été arrêtés en même temps. Ces informations sont sujettes à caution. T'as l'air sur la réserve. Faute de mieux. Mais toi, t'en sais peut-être davantage. Comment ça? Si c'était le cas, tu crois que je serais dans ton bureau à quémander des informations sur ma pauvre sœur? Crois-tu que j'attendrais là en ravalant mes larmes? Excuse-moi, Marguerite, j'ai été maladroit. Mais tu as été au service de Jacques et Benoît, toi aussi, pendant que ta sœur assurait les liaisons de Benoît. Raconte-moi. Cela pourrait m'aider à établir des connexions et à trouver des pistes pour te donner des informations sur ta sœur. Je souhaite profondément t'éclairer, mais va falloir que tu m'aides. Eh bien, tu sais déjà qu'on a caché Benoît Frachon et Jacques Duclos à Furzane, et qu'on est remonté en août 1940 sur Paris pour les servir. J'assurais les liaisons de la direction, et je chiffrais les messages de Jacques pour Moscou. Mathilde était au service de Benoît. Est-ce qu'elle te parlait de son travail? De ses relations avec Benoît? Oui. Elle n'aurait pas dû, mais tu es bien placée pour savoir qu'on avait du mal à respecter les règles de sécurité. Ce qu'elle faisait, très classique au fond, elle devait honorer plusieurs rendez-vous clandestins par jour en région parisienne. Là encore, tu sais parfaitement que c'était épuisant et dangereux. Quant à Benoît, elle ne m'en disait que du bien. C'est-à-dire? Fallait pas être devin pour comprendre qu'elle en pensait pour lui. J'étais un peu inquiète à l'époque, car tout le monde savait que Benoît était un grand séducteur. Ont-ils eu une liaison? Possible, mais je n'en suis pas certaine. Elle t'en a parlé? Des allusions. Les gestes entre eux étaient parfois équivoques. C'était peu de temps avant mon arrestation. Il s'est peut-être passé quelque chose entre eux après, mais malheureusement, je n'étais plus là pour le voir. Mais quelle importance. Si on revenait à son arrestation, qui t'a dit qu'elle avait été arrêtée en novembre 1942 par la Gestapo? C'est bien parce que c'est toi, c'est Raph qui me l'a dit. Tu le connais? Il est l'homme à tout faire de Jacques. Je peux le convoquer ici même et ainsi tu pourras l'interroger. Raph, celui qui était aux côtés de Bordeaux dans le bois de Verrières quand celui-ci a abattu Mathilde. Celui qui froidement l'a poussée à l'achever. Marcel Servin se doute que Raph a joué un rôle capital dans cette affaire. Mais lequel? En le mettant face à Marguerite, il veut le mettre à l'épreuve et surtout faire pression sur Duclos et Frachon. Maurice Thorez l'exige. Jaloux de leur gloire acquise dans la résistance, le leader du PCF tire les ficelles en sous-main. Le jour venu, ses deux plus proches adjoints pourraient bien, s'ils le décident, trembler devant le tribunal du parti. Servin a tenu parole. Une semaine après notre entrevue, je suis de nouveau conviée dans son bureau au siège du parti. Ça m'a fait drôle de retrouver Raph. Je ne l'ai pas revu depuis 1941. Lui aussi a perdu son frère sous l'occupation. Soyez les bienvenus. On a tous souffert sous l'occupation. Mais quand on voit la force d'attraction de notre parti et son rayonnement auprès des masses, je suis certain qu'on tombe tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de meilleur terreau révolutionnaire que nos souffrances. C'est grâce au sacrifice de nos amis et parents disparus, ta Mathilde, ma chère Marguerite, ou ton frère Arthur, Raph, que le parti est devenu ce qu'il est devenu. Ah bah tiens, justement, Raph, comme c'est toi qui m'as raconté que Mathilde est tombée entre les mains de la Gestapo en novembre 1942, j'ai pensé que tu pourrais éclairer davantage notre camarade ici présente. J'ai déjà tout dit sur ce que je savais sur cette affaire. Je n'ai rien à ajouter, hormis que je suis vraiment désolé pour ta sœur. Marguerite a besoin de l'entendre avec des mots qui sortent de ta bouche. Je n'étais pas sur les lieux lorsque le drame est arrivé. Et il y a peut-être des personnes plus qualifiées que toi pour en parler? Ou d'autres camarades plus au courant pour accompagner Marguerite et sa famille dans leur deuil? Je ne suis pas témoin direct, mais puisque tu insistes, je peux en effet redire ce que je t'ai déjà expliqué. Mathilde est tombée alors qu'elle assurait la liaison avec les FTP. La Gestapo devait être sur l'affaire. Une douzaine de camarades ont été arrêtés et personne n'est revenu. Mais qui te l'a dit? Pourquoi l'arrestation et l'assassinat de ma sœur et de ses camarades n'a pas laissé de traces? Des policiers communistes. Quant aux traces, je te répondrai malheureusement par deux mots allemands, Nacht und Nebel. Faire disparaître sans laisser de traces. Pourquoi Jacques Duclos ne m'a rien dit à la libération quand je lui ai demandé des nouvelles de ma sœur? Parce que les policiers communistes dont je viens de parler viennent juste de nous avertir. Raph sort furieux de cette entrevue. À ses yeux, Servin s'est livré à une provocation et tente de fragiliser Jacques Duclos. En accord avec ce dernier, Raph contacte tous les camarades impliqués dans l'exécution de Mathilde. Ordre leur est donné de se taire. Allez, Nice, ouvre! Je sais que t'es là, ça sent le clope! C'est qui? Comme si t'avais pas reconnu ma voix. Allez, laisse-moi entrer. Qu'est-ce que tu me veux, hein? Ferme la porte. Quand t'allais voir Servin au 44, qu'est-ce que tu lui as dit? Et Servin, c'est déjà tout. Il sait que t'es mouillé jusqu'au cou. Tu te rends compte? Tu as fait tuer une innocente. Et pourquoi, d'ailleurs, fallait-il la buter? On te l'a déjà dit en 42. On croyait qu'elle avait donné des copains. Une méprise tragique. Je la déplore, mais l'heure n'est pas au regret. Servin veut la peau de Jacques et Benoît. Et ça, tu vois, c'est autrement plus important que tes états d'âme. Mais les états d'âme t'emmerdent. Mais tu peux me haïr, mais tes sentiments personnels, Que valent-ils au regard des remous que cette histoire pourrait provoquer? Agis et pense en bolchevique. Notre parti doit rester un point fermé pour mettre à bas le capitalisme. Allez, salut. Je me tairai. Pas question de plonger Duclos et Frachon dans la tourmente. Je ne sais pas si un jour je verrai le drapeau rouge flotter sur l'Élysée. Mais je peux dire qu'avec toutes les souffrances que j'ai endurées, j'y aurais quand même pas mal contribué. J'ai tué pour le parti, et je ne regrette aucune des balles que j'ai tirées. Mais heureusement que mon flingue s'est enrayé le jour où j'ai mis Mathilde en joue. Benoît, c'est toi. Dardan, comment vas-tu? Benoît est arrivé. Novembre 1949. Alors. Après 7 heures de route, Benoît Frachon arrive enfin à Fursan. Pour le leader national de la CGT, entreprendre un tel voyage, alors que le combat syndical se durcit en ses premières années de guerre froide, marque toute l'importance qu'il accorde à la famille Dardan. Il connaît bien Fursan, puisqu'il y a été hébergé durant l'été 1940. Il se gare dans la cour de la ferme et s'approche à pas lents, son éternelle pipe à la bouche. L'homme est grand et large d'épaule, mais, amateur de bonne chère et vieillissant, il est désormais gagné par l'embonpoint. Un homme d'autorité, au regard acéré, mais à l'aspect bonhomme. Telle est l'allure générale de cet apparatchik stalinien. Tu as tenu ta promesse. Viens dans mes bras. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la fin de l'été 40, c'est ça? Quand tu es reparti à Paris avec mes filles. Tu as fait bon voyage? Un long voyage, oui, mais je suis heureux d'être parmi vous. Ça fait du bien de vous revoir. Marguerite n'est pas là? Pas encore, mais elle va pas tarder. Oh, laisse-moi t'embrasser. Je suis si émue que tu sois venue. Oh. Boiras-tu un verre de vin? Volontiers. Du Noah, que j'ai moi-même récolté. Un rouge de caractère, comme chaque communiste devrait être. Ah, Marguerite, je suis heureux de te revoir. Allez, viens m'embrasser. Ah, je peux vous dire que vos filles ont eu un comportement exemplaire sous l'occupation. Toujours en première ligne. À tes côtés, Benoît. En venant ici, c'est un vrai hommage que tu rends à ma sœur. Une militante qui a fait son devoir. Surtout en 40, quand nous nous heurtions aux idées chauvines de nos concitoyens. Ils criaient à la trahison parce que nous défendions le pacte de non-agression signé par l'Allemagne et l'URSS. C'est là qu'on reconnaît vraiment les siens. Mathilde, et toi aussi, Marguerite. Mais que sais-tu sur sa disparition? On n'a d'abord rien su, puis on a pensé qu'elle avait été arrêtée, ne la voyant pas revenir. Raph a bien enquêté sur sa disparition, mais il n'a rien trouvé. Nous étions très inquiets. Elle connaissait les adresses de toute la direction. Elle a été héroïque. Elle n'a rien lâché. Sinon, je ne serais pas là pour vous parler. Servin m'a pourtant dit que vous saviez que la Gestapo... Une minute, Marguerite. J'allais y venir. Je sais que Servin t'a mis en présence de Raph. Des camarades infiltrés dans la maison Poulaga ont en effet obtenu des informations. Selon eux, Mathilde a été appréhendée en novembre 1942, avec une douzaine de FTP. La Gestapo l'a interrogée, et après on ne sait pas grand-chose. Mis à part qu'elle n'a pas survécu. Tu l'as beaucoup aimée? Oui, nous l'aimions tous. Elle était belle. Belle? Oui. Les Dardan n'en sauront pas davantage. Frachon, toujours impassible dans son rôle de leader, remonte à Paris. Il est trop expérimenté pour ignorer que Maurice Thorez et Servin ont lancé cette opération afin de les déstabiliser, lui et Duclos. De l'humilité et de la discrétion. Parler de la résistance n'est donc plus d'actualité et Frachon comme Duclos sont priés de s'en persuader s'ils ne veulent pas que l'affaire Mathilde ne les éclabousse publiquement. Nous avons lutté toute notre vie. Et tant pis pour les risques, notre combat, comme notre sacrifice, donnait un sens à nos vies. Au moins, j'espère que ma sœur sait pourquoi elle est morte. Je n'aime pas du tout cette histoire. Le parti aura toujours mon soutien et mon affection. Mais d'un autre côté, J'ai plus la force de tout sacrifier à la révolution. Ma vie, ça a été quoi? Du sang, la schlag de Mauthausen, pas de femme, pas d'enfant. Je passe le flambeau révolutionnaire à d'autres. Et je retourne chez moi, en Italie, à Torino. Là, au moins, Servin ne viendra pas me chercher. Mathilde, résistante et traître au parti, de Jean-Marc Berlière et Franck Liègre, avec Alain Fromager, Georges Orbigny dit Nice, Quentin Bayot, Marcel Servin, Xavier Gallet, Tours, Céline Langlois, Toulouse, Julia Dussolier, Mathilde Dardan, Bruno Paviot, Bordeaux, Jérémy Lopez de la Comédie Française, Raph, Christophe Raymond, inspecteur Schneeberger, Élodie Collin, Marguerite Dardan, Laurent Claret, Monsieur Dardan, Bernadette Le Sachet, Madame Dardan, Benoît Bellal, Benoît Frachon, Bruitage, Bertrand Amiel, prise au son, montage et mixage, Claire Levasseur et Bastien Varigaud, assistant à la réalisation, Vivien Demeyer, réalisation, Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, nous poursuivons la discussion sur cette mystérieuse affaire avec mon invité, l'historien Franck Liègre. Quand les larmes montent, quand le moral descend, quand on rame de honte, quand on sourit aux passants, quand on regarde ce qui compte, quand on embrasse un amant, quand on refait les comptes, quand on manque de temps, quand un jour on affronte, quand on passe devant, quand on joue la refonte, quand on plie sous le vent, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble. Je me jette à ton cou de Gaëtan Roussel. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée de Marie-Claire Matout. Musique choisie par Thierry Dupin, à la technique Élise Christophe. Autant on emporte l'histoire sur France Inter. Franck Liègre, c'est vous donc qui, avec Jean-Marc Berlière, avez scénarisé l'histoire étonnante de Mathilde Ardant. Vous étiez le mieux placé, puisque c'est vous qui aviez révélé cette affaire en 2007 dans le livre « Liquider les traîtres ». Alors, dans le livre, vous aviez rétabli la vérité sur Mathilde Ardant. Aujourd'hui, vous venez de lui donner la parole. Ça fait quoi de l'entendre incarnée par une comédienne, d'entendre ce que vous avez écrit ? C'est émouvant, et puis c'est vrai que passer à la fiction, c'est inédit, c'est stimulant également. C'est aussi en lien quand même avec l'histoire, puisque cette histoire, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a mise au jour à travers l'archive. Et c'est justement en étant dans les archives de la préfecture de police de Paris qu'on a découvert cette enquête dédiée au détachement Valmy et que ensuite on s'est placé sur les traces de Mathilde. On a mis du temps, des années avant de l'identifier parce que, comme c'était indiqué dans le documentaire, les policiers ne sont pas parvenus à l'identifier. On a suivi de nombreuses pistes. Pour commencer, celle donnée par le Parti communiste à la Libération, à savoir que Mathilde avait été tuée, arrêtée avec une douzaine de FTP en région parisienne. Tuée par la Gestapo, enfin arrêtée et par la suite déportée. Tuée par les Allemands. Or, c'était totalement inédit en région parisienne, une affaire avec 12 personnes, 13 personnes arrêtées sans aucune trace dans les archives, ça n'est jamais arrivé. Donc, à partir de là, on s'est dit qu'il fallait à tout prix la retrouver. Donc, on a multiplié les démarches et finalement, le dieu de l'histoire était peut-être avec nous. On a réussi, en mettant la main sur des archives du Parti communiste, à confirmer un petit peu quand même nos intuitions, puisqu'on savait, étant donné qu'on connaissait le Parti communiste sous l'occupation avant d'écrire ce livre, qu'il y avait quelques personnes qui correspondaient au profil de la dépouille qui va s'avérer être Mathilde Ardant, et qu'à partir de là, donc, on a réussi à l'identifier et, pour la première fois, à prévenir la famille de la triste fin de Mathilde. Oui, donc il faut rappeler que la famille, jusqu'à votre livre, enfin jusqu'à la révélation de votre enquête, pensait donc que leur tante ou leur grande-tante avait été tuée par les Allemands. Tout à fait. Ils n'avaient aucune notion, enfin évidemment il n'y avait pas de corps, donc impossible de faire le deuil aussi. Très clairement, la contre-enquête menée par Servin en 1949 est restée secrète. Au sein du parti. La famille d'Ardant en était restée à la thèse du Parti communiste, à savoir que Mathilde avait été arrêtée par les Allemands, puis tuée par les Allemands, et donc c'est en les retrouvant sur l'annuaire qu'on est entré en contact, qu'on leur a appris la vérité. Ils sont évidemment tombés des nues. Ils nous ont demandé ensuite si c'était possible de les aider à retrouver le corps, et malheureusement ça n'a pas été possible, puisque Mathilde a manifestement été inhumée dans une fosse commune, et malgré nos recherches, on n'a jamais réussi à retrouver le lieu où elle a été enterrée. Et qu'ont-ils pensé quand ils ont appris qu'elle avait été tuée par le Parti communiste, alors qu'elle était elle-même une militante de ce parti, qu'elle avait combattu dès 1940 ? Ils ont été très surpris et en même temps, on est très clair, notre enquête a été très longue et il n'y a aucun doute, Mathilde n'a jamais trahi. On l'aurait vu sinon dans les archives de police et puis on a eu aussi accès à la contre-enquête du Parti communiste menée par Servin qui arrive à la même conclusion. Donc sur ce point-là, ça a été quand même une forme quand même de soulagement d'apprendre que Mathilde s'était extrêmement bien comportée et avait été une résistante sans tâche. Bien sûr, c'est tout de même une histoire compliquée pour la famille, c'était très délicat. Alors qui justement a donné l'ordre d'éliminer cette femme ? Est-ce que c'est Duclos ? Est-ce que c'est Frachon ? Et surtout pour quelle raison ? Est-ce que Mathilde Ardant a trahi ? Donc vous dites que non, mais alors est-ce que c'était quoi ? C'était une bavure ? Elle avait commis une faute ? Alors on est sûr que non, qu'elle n'a pas commis de faute. On peut dire d'emblée que la direction nationale du Parti communiste, a priori Duclos, a donné l'ordre d'exécution. Mathilde aurait eu un amant au sein de la direction du parti, ou en tout cas une personne proche de cette direction, elle aurait proféré des menaces par dépit amoureux. Par principe de précaution, le Parti communiste l'aurait exécuté. Alors, qui est l'amant ? C'est une question. On a l'impression, quand on écoute la fiction, que ça peut être Benoît Frachon. Alors, qui aimait les femmes. Oui, on peut, mais on n'en a pas la preuve. Oui, donc on ne le dira pas. Servin a pensé que Raph était peut-être l'amant. Raph a démenti, tout en désignant une autre personne, Gustave Guéheneux, l'homme à tout faire de Jacques Duclos. Et là, la piste se perd, donc on n'a aucune certitude, si ce n'est que cette thèse-là, dès 49, est au cœur de l'enquête de Marcel Servin, qui précisément pense à cela. Alors, ce qui frappe dans cette histoire, c'est quand même la dureté de ces militants, le peu de cas qu'ils font de la vie humaine, d'autant que plus que Mathilde Ardant et sa famille avaient beaucoup aidé Frachon et Duclos en 1940. Comment expliquer cette absence de fidélité, ce cynisme? C'est quoi? C'est l'urgence de la guerre? Est-ce que c'est possible que dans d'autres mouvements de résistance, on a eu cette dureté aussi? Ou c'est quoi? Les circonstances jouent, bien sûr. Il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de risques qui sont pris. On a véritablement affaire à des résistants qui ont fait preuve de beaucoup de courage. Et en même temps, nous sommes, ne l'oublions pas, dans un parti stalinien. Là, les hommes dont on parle sont staliniens et fiers de l'être. Les hommes du Valmy ne se posent pas la question. Un ordre d'exécution tombe, ils vont l'appliquer. Oui, on entend Urbini qui est prêt à se suicider si le parti lui refuse sa confiance. Dominique de Santi, la grande journaliste communiste, comparait l'adhésion au communisme à une passion amoureuse aussi aveugle. On ne naît pas communiste, on le devient, surtout à cette époque-là. Et en l'occurrence, la clé de voûte, c'est quoi? C'est de justement considérer que rien ne doit être au-dessus du parti. Rien, aucun sentiment. On doit agir pour le parti et s'oublier. Donc, y compris s'ils ont des doutes, y compris s'ils ont des appréhensions, ils doivent répondre au parti. Et là, on a quand même affaire à des gens qui sont sélectionnés quand même. Tous les combattants communistes ne sont pas prêts à franchir ce pas. Eux le sont, même si, très clairement, la liquidation des traîtres est très vite considérée par le Parti communiste clandestin comme une priorité absolue pour les groupes de combat, y compris des groupes FTP qui ne sont pas liés directement à la direction nationale. Ça va loin, puisqu'on a entendu, après avoir battu Mathilde, les hommes lui enlèvent ses vêtements pour l'empêcher toute identification, bien sûr, mais aussi pour récupérer le sac qui est en cuir, les sous-vêtements, parce que c'est l'occupation, il n'y a pas assez de vêtements, c'est quand même très sordide. Oui, et quand on a découvert ça dans les archives, c'est quelque chose qui nous a frappé. Oui, je précise que tous les détails qui sont donnés dans la fiction, c'est des choses que vous avez trouvées, qui sont vraies. Alors, presque tous, parce que effectivement, l'essentiel est trouvé sur archives. La après, couleur de la jupe. Voilà, ça, la couleur de la jupe, la façon dont, par exemple, Urbini fume véritablement des Celtiques, etc. Ouais. Après, il y a des choses qu'on a un petit peu inventées pour la fiction. Dans le livre, par contre, on ne s'est pas permis d'inventer. Cette liberté, oui. Justement, en voulant être dans la narration, on a essayé de travailler beaucoup plus l'archive que d'habitude. Comment expliquer que cette histoire ait mis si longtemps à être révélée, la vérité sur cette histoire? Est-ce qu'on a enfin pu connaître cette histoire grâce à la chute du mur et l'ouverture des archives de Moscou? Alors non, parce que c'est par les archives de la police parisienne qu'on a découvert, nous, cette histoire et qu'on l'a rendue publique. Pourquoi un tel silence? Il faut aussi dire que le Parti communiste en avait fait un tabou, puisque finalement, le parti savait très bien ce qui s'était passé, notamment par l'enquête de Servin, mais Duclos était bien placé pour savoir ce qui s'était passé dès 1942, puisque c'est lui qui lance l'ordre d'exécution. Donc c'était un tabou, comme était un tabou d'ailleurs pendant très longtemps les exécutions de traîtres, alors que sur archives, on découvre par des archives internes du Parti communiste français que, littéralement, il s'agit bel et bien d'une priorité pour les groupes de combat du Parti communiste sous l'occupation. Le Parti communiste a tué plus de Français sous l'occupation que d'Allemands, assurément. Combien, à ton idée, brièvement? Pour le Valmy, 6 Allemands ont été tués, 12 Français ont été tués. Globalement, sur la région parisienne, on a 75 Allemands qui ont été tués par la résistance, toutes familles confondues, et on est à plus de 90 pour les Français. Merci beaucoup Franck Liègre. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Jean-Marc Berlière de Liquider les traîtres, la face cachée du PCF 1941-1943, disponible chez Lafon en livre de poche. Et plus récemment, Franck Liègre, vous avez publié les FTP chez Perrin. Autant n'emporte l'histoire, c'est fini pour ce soir. Une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons à la rencontre d'Edmond Rostand. Après l'immense succès de sa pièce Cyrano de Bergerac, l'écrivain est pressé par la tragédienne Sarah Bernard de lui écrire un rôle à sa mesure, ou plutôt à sa démesure. Elle ne sera pas déçue avec L'Aiglon, l'histoire du fils de Napoléon, un rôle d'homme qu'elle interprétera avec génie et une jambe de bois. Edmond Rostand et L'Aiglon, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.